Bonsoir. Nous sommes en février 2021 dans une commune gelée de la banlieue parisienne. Dans un jardin, assis sur une chaise, les jambes enveloppées dans un plaid de fortune qui ressemble à s'y méprendre un peignoir, se tient là un homme, l'air hagard, transi de froid et pourtant conscient à l'arrivée des secours. C'est grâce, et nous tenons à les féliciter, à l'association française de dénonciation Balance ton pape et à leur chien, un adorable labrador nommé Zipette, qu'il nous a été possible de retrouver sain et sauf celui que les moins de 2 ans ne peuvent pas connaître. Celui que ses ouailles appelaient son éminence, son altesse. Celui qui, ayant dû quitter sa principauté, devra errer de longs mois la mitre sous le bras. Cet exilé fils cool, comme il aime à se présenter, n'est autre que Roger de Lille, le pape du cool. Vaticool présente le gouvernement français en exil. Et bonsoir, je suis Roger de Lille, le pape du cool. Ça faisait longtemps, hein? Sacrément longtemps. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été une rigolade. J'étais pas tout à fait là pour beurrer les tartoches. Alors Vaticool, donc le retour, le gouvernement français en exil, qui a bien pris le temps de s'exiler pendant un bon moment. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Dr Love. Et ça tombe plutôt pas mal, puisque aujourd'hui, on va débuter sur une thématique plutôt médicale, finalement. Avec la fille de l'infirmerie, des gloires locales. Et puis, vu que j'ai retrouvé mes disques, on va écouter aussi les King Bees. Ça va être pas mal. En attendant, voilà. Je suis dans une contrée glacée. Effectivement, on a fini par me retrouver alors que je n'étais plus vêtu que d'un plaid. Comment ça va, Dr Love? T'as un micro juste là, ici. Celui-là même. Écoutez son éminence, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt très bien, puisque je suis en charge de vous réparer, en fait, un petit peu. Vous avez quelques gerçures, des morsures de froid. Je crois qu'il faut résorber tout ça avec une bonne crème. Une bonne infirmière également, bon, ça je m'en charge, hein. toute l'équipe technique est là pour nous aider. Le premier docteur m'a dit que je risquais de perdre une fesse. Oui, enfin vous avez quand même... La droite. Oui, une certaine, je dirais une certaine corpulence qui vous permet de... écoutez, nous allons inciser. J'adore ma fesse droite, docteur. Est-ce que je vais m'en sortir? Je pense. Vous ne serez pas déstabilisé. De toute façon, l'équilibre se retrouvera par lui-même. Hein. Vous savez, il n'y a pas besoin d'amputer. La fesse droite n'est pas gangrénée. Très bien. Écoutons la fille de l'infirmerie. Oui, d'ailleurs, je voulais dédicacer Laetitia, ma petite. Elle est partie. Et puis, on n'a plus le droit de dire ma petite. Balance ton infirmière. Yeah.

jupe. Tu trouves pas qu'elle fait smart? Tais-toi. Tu vas te prendre une tarte. Alors tais-toi. Ça te fixe. Ouais. Merci, Tapex. Dis, tu m'aimes? Ouais, mais surtout quand tu bosses pas. Ouais, mais toi aussi, c'est facile, hein, avec ton Tapex. Ah, t'aimes ça, le Tapex, hein? T'en redemandes, mais elle tremble. Elle est torgnole, qui dégringole. Elle est mornique, pas pip. Elle est bête. Elle est baigne, il faut que ça saigne. Elle éclate. Elle est mandale, qui font mal. Elle est tarte. Ah, moi je me retiens pas, il faut que ça parte. Le cinéma, la peinture, la photographie, la musique, ça n'intéresse personne. Le gouvernement français en exil, donc. on a écouté, en premier, La fille de l'infirmerie, donc des Gloires Locales. Suivi de Docteur Docteur des King Bees. Et toi? Et le dernier, donc, c'était Tapex. Et toi? Tu apprends une... Et on reçoit justement El Blasis. Salut. Comment ça va? Pas mal. J'ai fait un nouveau disque qui sort dans pas longtemps. C'est sur les Allemands, ouais. Les casques à pointe, les nazis, ouais. Ça va saigner dans les tranchées. Vous aurez reconnu évidemment le Docteur Love. Je peux pas m'empêcher, excusez-moi, cher pape, d'imiter ce que je peux appeler un des panthéons de la chanson française actuelle. Alors, qu'est-ce que c'était? Ça vient d'où? Comment on prononce le nom de ce groupe? Blazik. El Blasic. Hey. Tais-toi. Bon alors, oui. Ça vient d'où? Alors, c'est une excellente question. Je crois que ça sort de bandes magnétiques qui avaient été complètement... qui avait disparu, qui n'était trouvable qu'en cassette dans les années 90, que certains esthètes possédaient, et se refilaient un petit peu comme la blénorragie ou d'autres maladies vénériennes. Et c'est à l'initiative du label Born Bad, le célèbre label brésilien, et oui, tout à fait, que sont ressorties en fait ces choses quasiment intactes. Ouais. Voilà. Sur mon fichier est marqué The Quirky Lost Tapes 93-95. C'est ça. D'accord, et c'est donc... C'est réapparu et tout le monde a pu goûter en fait à la poésie de El Black... tais-toi. Qu'est-ce qu'on écoute après? Qu'est-ce qu'on peut écouter après? Ah bah ça j'en sais rien, moi. Ce que je vois, c'est que vous n'avez rien préparé du tout. En fait. Comment ça, rien préparé? Mais bien sûr, rien préparé. Je vais aller tout. Piocher dans le grand bac en face de moi. C'est honteux, c'est honteux. Vous imaginez, moi, si j'ai une opération à faire, une opération de chirurgie. Ah, ça suffit, coupez-le. C'est vrai, quoi, une opération de chirurgie à faire et que je n'ai rien préparé, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas mon scalpel, je n'ai pas mon bistouri, je n'ai rien du tout. Je n'ai même pas mon infirmière. Laetitia! Ah, bon, Dieu, on est passé celle-là. Et donc? Allô? Tu ouvres la porte et tu tombes la veste sur tes cuisses, le cuir brille à la lune. Tu me regardes et tu ne dis rien, t'allumes une cigarette. cigarette et tu fumes. Ton parfum flotte dans la nuit jusqu'au pied. Comme une chatte en folie. Et tu me dis fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir encore une fois, oui. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir encore une fois. Fermeture éclair et tes balours sur le plancher. Ton sourire me brûle les lèvres et tes ongles me déchirent la peau. Alors tu écartes les jambes et tu gémis. Oh, quand j'y pose ma langue. Et dans la chaleur de ta bouche, mon sexe se met. Mon sexe se met de danser. Tu me dis, et tu me dis, tu me dis. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir encore une fois, oh oui. Fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir, fais-moi jouir encore une fois. Existence sans image, je retiens le temps depuis le jour où j'ai connu par toi ma raison d'être. Et maintenant, je crois avoir. Plus en plus de jour en jour, mon amour. émission sans alcool présentée par Roger Delisle. Bonne nouvelle, docteur, je crois que j'ai retrouvé votre infirmière. Oh. Elle m'a bien soigné, mais... Par contre, juste après, elle a disparu. Vous la retrouverez. J'en suis certain. Une émission sans alcool, donc... Docteur, je n'ai vraiment pas droit à l'alcool. Pas du tout. Chut. Faut pas parler d'alcool. Le c'est rhum, ça compte ? C'est une excellente question, monsieur Delisle. Je vais en parler à la direction. Parce que sinon, j'envoie une bouteille juste là. Excusez-moi son éminence, mais... Que faites-vous des tentations ? Les tentations, monsieur Delisle. Monsieur Ducoule. Les tentations. C'était plutôt encouragé avant. C'est fini. Avant c'est fini la bamboche. Comment ça la bamboche c'est fini? Terminé. Pour terminé. Toujours. Vous êtes, excusez-moi, en convalescence. Et justement. Non. Il faut un remède. Écoutez monsieur Ducoule. C'est peut-être un remède, mais c'est fini tout ça. Il faut désinfecter. L'alcool ne sert qu'à ça, désinfecter. C'est un désinfectant, c'est tout. Aujourd'hui, on s'en sert pour se laver les mains. Hier. Mon Dieu. So dame, elle passe devant tous ses regards avides, les cheveux dans le vent et les lèvres humides. Elle marche lentement et chante doucement, les cheveux dans le vent, les pieds nus sur le sable. Elle ne voit personne, ses chansons détestables. Elle passe son temps à longer le rivage. Elle est comme une vague, une sirène qui nage. Waouh, personne ne sait. Elle joue avec les vagues et le sel qui vous brûle. Ses cheveux dans le vent, sa beauté nous chavire. C'est une figure de proue à l'avant du navire. Les cheveux dans le vent, les seins vers l'horizon. Elle joue avec les vagues et je perds la raison. Elle passe son temps à longer le rivage. Elle est comme une vague, une sirène qui nage. Personne ne sait où elle vient. Personne ne sait où elle va. Elle ne parle pas, elle ne dit jamais rien. On ne sait pas, tu ne sauras rien. Cette sale romance, impression, plaisir, j'ai fini par choisir. Mais pour ça, tu sais, tu devais mourir. Je dirais trois fois dans le silence. Je dirais trois fois dans le silence. Je dirais trois fois dans le silence. Je dirais trois fois dans le silence. We'll be right back. Docteur amour, docteur toujours. Do you feel good? Do you want to? J'ai une excellente prescription, une ordonnance, une spéciale. Mon cher pape. Oui, docteur. Oui, je dois y aller. C'est-à-dire que j'ai encore quelques patients à visiter. Oh. Oui. Je vais m'en sortir, docteur. Ouais, je pense, oui. On ne sera pas obligé de vous amputer de la fesse. Parfait. Parce que je tiens vraiment à mes fesses. Oui, mais ça, je comprends bien. Vous gardez votre gras. Moi, qui n'ai pas de fesses, je comprends tout à fait. Il faut un coussin. Il faut une assise spéciale. Une bonne assise, en fait, pour se sentir bien, hein. Et vous êtes en réhabilitation, je vous rappelle, hein. On vous a sorti du froid, vous aviez des hanches dures, vous aviez le cul qui ressemblait à une grosse mûre. Alors que mon cul est quand même la seule partie de mon corps vraiment parfaite, docteur. Alors ça, c'est génétique. Je ne sais pas, il faudrait analyser le... Écoutez, on ne poussera pas les investigations plus loin, je vais vous laisser. Et je vous souhaite bonne chance, car c'est un bon début, je trouve. C'est un plan de relance qui fera date. Merci, docteur. Quand vous reverrons-vous, docteur ? Eh bien, écoutez, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous laisse Laetitia en pension. Hein, c'est une infirmière, elle est très docile, très gentille. Elle fait tout sauf ce que vous pouvez imaginer. De plus... Enfin bref, elle ne fait pas le café, quoi. Vous débrouillerez avec ça. Voilà. Au revoir. Je viendrai vous revisiter prochainement. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère, en tout cas, que vous saurez tenir compte de ce départ un petit peu fébrile, anxieux, pour ne pas dire improvisé, et que vraiment vous aurez à en tenir compte, parce que l'état de notre pape du cool est tout de même assez branlant. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autre mot. C'était Roger Delisle, le pape du cool. As-tu déjà connu l'amour ? Doctor Love. sourire.